radio. Woo! I don't know what the hell she's saying, but sounds good. Bitch. Radio. That's the bitch right there. Woo! Chef Lent. Yeah. BBT. Okay. MCL2C. Okay. Uh-huh. Ready? No PD, man. Chef Lent over listen. Here, man. This is for my niggas who got nothing to eat. Or my broke ass dog who slipping the streets, don't wanna smoke a lot just to kill the time, man. When the street is stalking, forget your size, man. There's a lot of soldiers out there, but no war to victim. If life is the movie, why should I play the victim, Tell them what you want. I want to be rich, I want the big chains and the big booty bitches. Okay. Yo, rough, man. That beat is poppin'. Hey, yo, Chap, I know you got more left in your pocket. So let's smoke. Aight. One joint for the boys. Boy. Chaplin, BBT, holla at your boy, bitch. Yo, Nick Boy, yo, c'est Buzzy Boy, yo, you know, boys. AKA Dolomite. Dans ton West Kid, split tout de Rosemont, just from the boss. Fais ta tête sur G-Prop, qui split, c'est le big boss. Tu veux monter ta tête, t'as besoin du best of. C'est bord de stock, je veux classement, mais je donne pas le cancer. Quand je me concentre, je pense le bitch, j'ai tête, tous tes boys souhaitent faire. Je rentre dans tes onces sans tu saches, j'ai que tes soldiers, un pauvre cap. Suce pour de la pub gratuite dans un mag. Laisse le beef de côté, fume le, prends ce chill. Faut qu'on s'en cale une dernière avant que tout le monde commence à skill. Qui s'avope, y'a des bitches dans rap game qui se disent ready. On n'a pas besoin de clown, je qu'on se tape infinity. On continue à run dans bon sens, mot dans bon sens de la route. Point des popos qui marchent dans le road avec ma photo. Yeah, yeah, yeah. OTH, man. OTH. Ah. Come on. Okay, come on. Okay, okay, okay. Yeah. Mon rapport classe, si je l'écris, c'est pour mes boys, c'est pour ceux. C'est pour mes boys. Depuis le début où le people l'important. C'est ceux qui me back quand c'est dur, quand obscur est le temps. À ceux qui m'aident dans le rap depuis le temps que j'attends. À ceux qui m'entendent ou m'entendent à tous les soirs. Qui voyaient mes humeurs, qui me décollent la tête du bord. À ceux qui tardent, ouais. À ceux qui emmerdent le monde. À ceux qui m'abandonnent. À toutes mes anciennes blondes, mes enseignants, mes anciens boss. À ceux qui sont encore là malgré les morceaux cassés. À toutes mes boys qui sont le miroir de mon âme effacée. Dédicace à mon crew, yeah. Dédicace au BBT. Word? Put! What up, y'all? What up, y'all? That's a remix, y'all. Oh, shout. BBT Records. Come on. Roughneck, come on. Come on. Come on. Come on. C'est pour toutes mes boys, boys du combo, qui soient tipsy ou high. On est ready to die. Pression, kick, on cry pas. On spit plus hype up ou hype le hype, y'all. I told ya. Roughneck, bomb, beat to danger. Rip le remix, lap la gimmick, pas de mimic. On reste slick with the real shit. Si fuck tes boys, hit him up. Si c'est le party, hang up. Fume le pis smoke la. Fuck le pis four la. Monte le beat, sister. Shake le Buddha. Pendant que Mr. Chill avec ses gars. Pendant que Chap Mac. Pendant que Dirty Run, boom, big snatch. It's all about cash and big ass. C'est l'eau. Fais pas la grimace. Bossy est heureux. Avec son grass, j'ai la masse sur nos baigneurs pour vous guider. Whoop ton ass! Oh no! Rough Neck, man, that shit is crazy, nigga. You gonna kill him with a little something, man. You know what I'm saying? Big Dirty Taz. Mr. Brown cooking! Mr. Brown, show love for my boy Buzz. Fuck a whole bra. Dirty Taz, let your pussy boys die. 42 shots, we pop shit, running from cops. Props every time I drop it, rock. I'm about to splatter your bladder. Take a bladder, shoot batter. You better step off, I'm not a chit-chatter. You gotta respect this or get this for days. All praise, past plays with my lyrical sprays. I smoke buds, sip some bar, bitch, you spit blood. I kick for big bucks, then I smack a big butt. Yo, sprat les flics, fuck my boys in the front. Who want test this? Know who the best is? So guest list, we rock shit, make you famous. It's all love, yo. That's my boys. Chaplin, bust it all. That's my boys. Buzzy B, Roughneck. That's my boys. Mr. Brown, motherfuckers. That's my boys. My boys. Maverick. Whoa.